on déroule le tapis rouge une dernière fois. C'est Frédéric Sigrist, c'est votre dernière chronique blockbuster de la saison. Eh oui Mathilde, dès lundi, à moi les photos de doigts de pied en éventail au bord d'une piscine. Ça c'est ce que j'aurais dit si j'avais de l'argent. Mais vu que j'ai un crédit sur 30 ans de gosse et plus de moutarde, bah lundi, on reprend blockbuster au quotidien et on va éviter le compte Instagram des collègues en vacances. On le sent le chroniqueur au peine. Allez, non, ce matin, je préfère vous parler de Buzz l'éclair, le dernier film des studios Pixar. C'est la suite des aventures de Buzz l'éclair, le jouet qu'on connaît depuis le film d'animation Toy Story ? Eh ben non, Mathilde. Ah. Le postulat de cette histoire, c'est que le public va enfin découvrir le film qui a donné envie à Andy, l'enfant propriétaire des jouets de Toy Story, d'avoir une figurine Buzz l'éclair. En gros, jusqu'à maintenant, on a eu droit aux produits dérivés. Avec Buzz l'éclair, le film, on est censé avoir droit à l'œuvre originelle qui les a générés. Et c'est vertigineux comme idée, parce qu'on peut décliner ça à l'infini. On aura bientôt droit au western qui a inspiré la création du cow-boy Woody, au plan de pommes de terre ou à la recette de potatoes qui a participé à la création de Monsieur ou Madame Patate. Le film qui a inspiré le jouet, c'est une idée qui, avouons-le, sent un peu l'exploitation bête et méchante d'une franchise. Un peu comme si on faisait une série sur un personnage qui serait apparu genre 5 minutes dans Star Wars, ou 3 films sur l'homosexualité de Dumbledore sans jamais vraiment dire qui l'est. Ah, attendez, on me souffle dans le casque que tous ces projets existent bel et bien et que je ne comprends rien à la nécessité de fournir du contenu aux plateformes de streaming. Mais pourtant, ce film Buzz l'éclair est justement sorti au cinéma. Oui Mathilde, contrairement au précédent film Pixar, et il a fait un bide retentissant aux États-Unis. Et quand on sait que les bien plus réussis Alerte Rouge et Luca n'ont pas eu les honneurs d'une sortie en salle, Disney préférant les garder pour alimenter sa plateforme Disney+, on peut se demander si l'entreprise de l'oncle Picsou ne serait pas en train d'ourdir la fin programmée des films du studio Pixar sur grand écran. Alors attention, Buzz l'éclair n'est pas un mauvais film. D'ailleurs, quand t'as des enfants, de toute façon, les mauvais dessins animés n'existent pas. Tu leur demandes comment ils ont trouvé ça, ils te disent toujours « Ah, oh, c'était bien !» Les enfants, ils ont le quotient émotionnel de Manuel Valls. Tant qu'on pense à eux pour un truc, ils sont contents. En tant que parent, tu ne divises pas les dessins animés entre les bons et les mauvais dessins animés, non. Mais entre ceux que tu vois en entier ou ceux pendant lesquels tu dors. Mes plus belles siestes, Mathilde, elles s'appellent Baby Boss ou en Hôtel Transylvania. Ça, c'est vraiment des feel-good movies. À la sortie des séances, on se reconnaît entre parents. Les enfants, ils ont vu un film. Nous, on a eu un soin du corps. Mais je sens que Buzz l'éclair vous a quand même déçu. Oui, Mathilde, parce que c'est un film des studios Pixar. Un studio qui a pour habitude de parler des traumas d'adultes dans des films d'enfants. La filmographie de Pixar, c'est une filmographie de névrosés. Dans une thérapie, des fois, on te fait faire des sculptures en terre cuite, de l'aquarelle. Et ben, chez Pixar, on fait des films. Toy Story, c'est des films sur la crise existentielle ou la vie après la retraite. Coco, Vice-versa, En avant, là-haut, ce sont des films sur le deuil. Les Indestructibles, c'est autant un film sur les super-héros qu'un film sur le démon de midi et la charge mentale. Les enfants y voient un film d'animation brillamment réalisé et les adultes essuient discrètement leurs larmes parce qu'ils ont repensé à leurs proches disparus. C'est ça, Pixar. Buzz l'éclair dans Toy Story, c'était une caricature qui convoquait aussi bien Star Trek que Star Wars ou Buck Rogers. Le confronter à son statut de jouet via le cow-boy Woody, tout ça avec la voix française de Richard Darbois, nous questionne nous-mêmes sur notre peur du déclassement. Le Buzz l'éclair de 2022, c'est juste un film d'animation bien réalisé, mais quand je viens voir un Pixar, je viens pas voir un film Mathilde, je viens suivre une thérapie. Frédéric Sigrist, c'était la chronique Blockbuster. Comment vous avez fait tout à l'heure ? Ah, c'était bien ! Oh, c'était bien ! C'était bien cette chronique ! Et il y a aussi, donc vous l'avez dit, l'émission quotidienne l'été, c'est pour bientôt, c'est lundi là, dès lundi. C'est lundi et on commence avec Pierre Richard. Quelle heure ? 17h. 17h, 18h, Frédéric Sigrist tout l'été sur France Inter.